Premier Selton, deuxième Yukon, troisième Levin, quatrième Lo. Ce cinquième se nomme Ravzet, lui dit Jésus. 3. Monseigneur, déclare-moi pourquoi tu m'as dit le nom de tous mes maris, et où tu les as connus, lui dit la Samaritaine. Sache aux femmes que moi-même je t'ai connu avant que ton père s'alasque, et ta mère la mia t'engendre, dit Jésus. 4. Je ne sais quoi te dire parce que tu m'as révélé des choses cachées, lui dit la femme. Nous disons. Personne ne connaît les secrets, comme toi-même les connais hormis le Messie, que nous-mêmes attendons. Nous disons. S'il est lui-même venu dans le monde, il connaîtra tout, et il enseignera ceux qui le suivront. Aux femmes, celui qui parle avec toi est le Messie que les peuples attendent, lui dit Jésus. 5. Pour nous, gens de Samarie, nous disons, lorsque notre Seigneur Messie viendra de la part du Seigneur, on l'adorera en ce lieu, quant aux Juifs, ils l'adoreront, et serviront en la Yerushalayim terrestre. Vraiment je te dis, aux femmes des jours viendront que les hommes n'adoreront le Seigneur ni sur ce mont ni en la Yerushalayim terrestre, mais ils l'adoreront en la Yerushalayim céleste, car le Seigneur est esprit. 6. Lorsque la femme qui se nommait Bersinia eut entendu le discours de Jésus, elle alla en ville dire aux autres. Venez avec moi que je vous montre un homme qui connaît les secrets. Lui-même m'a raconté mon action que je cache aux gens. 7. Beaucoup de gens de la ville sortirent voir Jésus. Ils écoutèrent sa parole et crurent en lui. Mais ils dirent à la femme, « Ce n'est pas par ta parole en propre que nous croyons en lui, car nous l'avons vu, et nous nous sommes assurés qu'il est le Messie, le Sauveur du monde, le Fils, et l'unique du Seigneur. C'est lui qui est apparu à Jacob en s'appuyant au-dessus d'une échelle, au prophète Moshe aussi au-dessus de la montagne. Il est en plus apparu à Nabuchadnezzar au-dessus des remparts de Yerushalayim, quand il l'a livré dans sa main à cause des péchés de son peuple. Nombre de ceux qui crurent en lui ce jour-là. 20,500 hommes avec leurs femmes. 8. Beaucoup d'entre eux suivirent Jésus. Il ne leur permit pas de le suivre mais il les engagea à retourner à leur maison. 9. Il y en eut parmi eux, d'entre les anciens de Samarie, qui partirent, et allèrent à la terre d'Israël sans que Jésus leur ait instruit. Ils prêchèrent son nom, et appelèrent les gens à la foi. Grâce à eux, beaucoup d'innombrables gens crurent, des confins d'Israël, en terre de Samarie, Yerushalayim, et des confins de Thanos, de Madian, et de Tadmer. Gloire au Seigneur. 17e miracle. 1. Tandis que Jésus traversait la ville de Magdala, qui est dans la terre d'Israël, sur le rivage du lac il vit la Simon, et André, fils de Jonas, en train de pêcher du poisson. Il appela Simon, disant. Simon, viens avec moi afin que je te fasse désormais pêcher des hommes, et non des poissons. 2. Simon s'étonna parce que Jésus l'appela par son nom sans le connaître auparavant. Ne t'étonne pas, ô Simon, fils de Jonas, parce que j'ai appelé ton nom sans que tu me connaisses toi-même. Désormais tu verras plus grand que ce prodige. Sache que toi-même tu deviendras mon élu et prince sur mes disciples, lui dit Jésus. Vraiment tu es le Messie, le Fils du Seigneur vivant. Tu es vraiment le secoureur d'Adam notre Père. Vraiment tu es le Sauveur du monde. Tu es bienheureux Simon fils de Jonas parce que la chair et du sang n'ont pas révélé ce mystère, mais mon Père dans les cieux qui t'a révélé. 3. Simon regarda le ciel à ce moment-là, et vit l'entrée des portes des cieux, et il entendit une voix du ciel qui dit « Écoutez-le, obéissez à sa parole, et honorez-le seul. » Simon tomba sur sa face. 4. Jésus le fit se relever, et prit sa main, et la main d'André son frère, et les conduit au fleuve du Jourdain. Lorsqu'ils furent arrivés, il dit à Simon : Sache, Simon, que tu ne peux pas devenir mon disciple, ni hériter du royaume des cieux, si tu n'as pas été baptisé dans l'eau, et dans l'esprit, dit-il à Simon. Que le Seigneur fasse à son serviteur ce qu'il voudra. Lui dit Simon. Il les remit à Yahya. Yahya baptisa Simon, et André son frère dans le fleuve du Jourdain, comme tous les enfants d'Israël. 5. Au moment de leur descente dans l'eau, une troupe d'anges descendit du ciel, et alla de leurs ailes au-devant eux au baptême. Simon et André y virent la gloire du Seigneur. 6. À la sortie de l'eau du Jourdain, le roc s'attacha sous la plante des pieds de Simon, et devint attaché comme des souliers. Jésus lui dit : Sache, Simon, que toi-même désormais tu seras appelé Céphas, sur toi je bâtirai mon église, que les portes du Sheol ne pourront pas détruire. À toi je donnerai les clés du royaume des cieux. Celui dont tu auras remis les péchés sur la terre lui seront remis dans les cieux, et celui que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Sache, Simon, qu'à toi je te donnerai puissance au ciel, et sur la terre, tu deviendras le pasteur de mon troupeau à ma place, comme à ma propre image. 7. Les cieux et la terre obéiront à ta propre parole, et sur tes propres paroles ils produiront des fruits. Que tu ordonnes au ciel de faire pleuvoir la miséricorde sur les humains, tirez que tu lui ordonnes de faire pleuvoir le feu, et le soufre comme j'ai fait sur Sodome et Gomorre. Tirez que tu ordonnes à la terre de donner la prospérité à ceux à qui tu seras propice de faire croître des fruits de délices. Tirez que tu lui ordonnes d'ouvrir sa bouche, et de dévorer les rebelles, comme j'ai fait à Dathan et à Abiron. Tirez si tu lui ordonnes de produire des fruits, elle produira comme tu lui auras ordonné. 8. À toi, Simon, je te donnerai le sacerdoce d'Aaron, sur toi se trouvera l'Esprit Saint, toi-même tu baigneras les fidèles au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Tu feras des miracles, et des prodiges sur la terre, qui seront plus grands que ceux que j'ai fait moi-même. Sache, Simon, j'exaucerai ceux qui m'invoqueront, je confesserai ceux qui me confesseront, et je renierai ceux qui me renieront. 18e miracle. 1. Tandis que Jésus traversait Yerushalayim, la ville du Seigneur, il vit un homme muet et aveugle né dès le sein de sa mère. Lorsqu'il entendit passer Jésus, il cria et clama selon sa capacité. 2. Ô mon Seigneur, dit Simon, bienheureux celui qui sait ce que cherche ce muet aveugle, pour agréer sa parole. Il crie vers moi. Ô auteur de toutes les créatures, secoureur de leurs tourments. Ô toi qui as créé les yeux, les langues, et les oreilles, ouvre mes yeux afin que je voie ta gloire. Ouvre mes oreilles afin que j'entende ta gloire. Délie le lien de ma langue, afin que je donne gloire à ton saint nom. Sache, Simon, je n'ai pas fait cet homme muet, aveugle, et sourd comme tu le vois, mais afin de montrer au fils d'Israël ma puissance à son sujet. 3. Je délie le lien de ta langue. Parle, et déclare à Simon, et son frère André qui je suis, dit Jésus à cet aveugle. Aussitôt sa langue se délia, et il dit. Mon Seigneur, tu es le Messie, Fils du Seigneur vivant unique, que les peuples attendent pour leur salut. Tu es celui dont les prophètes ont prophétisé. Tu es l'auteur d'Adam notre Père. À cause de ton amour pour nous, tu as revêtu la chair des humains afin de nous être propices. Ô Fils de David, sois-moi propice, et accorde-moi également la lumière pour mes yeux, comme tu as délié ma langue. 4. Jésus lui ordonna d'approcher de lui. Lorsque cet aveugle se fut approché de lui, Jésus posa sa main sur ses yeux, et aussitôt il vit. Il posa aussi sur ses oreilles, et aussitôt il entendit. 5. Dès lors il devint l'un de ceux qui prêchaient le nom de notre Seigneur Jésus. Par cet homme, beaucoup crurent, et allèrent au fleuve du Jourdain, et furent baptisés de la main de Yahya le baptiseur. 19e miracle. 1. Tandis que Jésus traversait la ville de Naïm avec ses disciples, Simon, et André, Johan, et Jacob, là ils virent le cercueil dans lequel on portait un mort, le fils mort d'une femme veuve qu'on appelait Barsa, fille de Yuvaël. Yuvaël son père était des fils de prophètes. Le fils qui était mort se nommait Yona, fils de Salem, fils de Melchial, frère de Roum, fils de Salatial, fils du frère du prophète Yona. Cette femme n'avait pas d'enfant que lui. 2. Jésus alla vers les gens qui portaient la dépouille, et leur dit. Déposez le cercueil de vos épaules. Le mort qui se trouve sur vous est des fils de prophètes, il faut que je manifeste à son sujet ma puissance dans cette ville. Les gens déposèrent le cercueil à terre. 3. Jésus s'approcha du mort, et lui dit. Ô Yona, fils de Salem, réveille-toi, car j'ai rendu vaine la mort du péché. Aussitôt le mort se leva, et s'assit sur son cercueil. Il ouvrit la bouche, et dit. Je crois en toi mon Seigneur Jésus. Fils du Seigneur vivant, Sauveur du monde qui m'a ressuscité des morts, afin que je prêche ton nom parmi les peuples. Puis il descendit de dessus son cercueil, il ne retourna pas à sa maison, et suivit Jésus, et devint un avec ses disciples. 4. Jésus l'appela, et lui dit. Ô Yona, c'est moi qui ai envoyé ton père, pour qu'il prophétise au sujet de ma venue dans ce monde. Toi aussi, va maintenant, prêche ma venue aux humains, et déclare la vérité de la prophétie de ton père à mon sujet. Sache que tu feras en mon nom de grands miracles, et prodiges. Beaucoup de gens hériteront du royaume des cieux par ta prédication. 5. Déclare aux humains que moi-même je supprimerai la prophétie des fils d'Israël, je leur enlèverai aussi le sacerdoce, et donnerai à ceux qui croiront en moi, et je supprimerai la fonction de royauté jusqu'à ma deuxième venue dans le monde pour juger les vivants et les morts. 20e miracle. 1. Lorsque Jésus monta à Yerushalayim pour la fête de tabernacle, Soukot, il vit un homme en train de pleurer, et se lamenter au sujet de son frère, mort le même jour, et qui suppliait le Seigneur de ses pleurs, disant. Ô Seigneur, envoie pour notre salut celui que tu enverras vers nous pour que nous ne mourions pas à cause de nos péchés. Ô Dieu d'Israël, à mon frère aussi, cet Israélite mort dans son péché, sois lui propice. 2. Crois-tu en celui qui viendra? Lui dit Jésus. Nous attendons la venue de celui qui est le Messie de Dieu, et le Sauveur d'Israël pour notre salut. S'il est venu, je crois en lui, lui dit le Juif. Je suis le Messie, le Sauveur du monde, je suis le Fils de l'homme que le prophète Daniel a vu sur les nuées du ciel, Je suis le fils de l'ancien des jours, qui a livré Yerushalayim dans la main de Nabuchadnezzar son ennemi, lui dit Jésus. 3. Si moi-même ressuscite ton frère, croiras-tu que je suis le Messie sauveur du monde? Dit Jésus. Ô Seigneur, je crois en toi que tu es le Messie, le sauveur d'Adam, et de sa descendance, lui dit-il. Viens ô homme, allons à ta maison, lui dit Jésus. 4. Lorsqu'ils s'en allèrent, et parvinrent à la maison de cet homme, beaucoup de brebis sortaient de sa maison pour paître. Lorsqu'elles virent Jésus venir, elles parlèrent la langue des fils de l'homme. Joie à ta venue au fils du Seigneur, fils de David par la chair. De plus un bœuf que son maître voulait égorger alla au-devant lorsqu'il vit Jésus, et cria à haute voix. Ô fils de David, sois-moi propice toi que l'intelligence ne s'atteint pas, et la raison n'atteint pas, sois-moi propice, et sauve-moi. 6. Sois sauf, et deviens un animal qui ne sera jamais égorgé pour devenir pour moi un témoin contre cette méchante génération perverse, lui dit Jésus. Le bœuf s'en alla dans la plaine, et dès lors son maître ne le vit plus. 7. De plus Jésus dit à ces brebis-là. Vous aussi brebis, parce que vous êtes devenus témoins de ma gloire, je vous affranchis de la servitude. Désormais personne ne pourra vous asservir jusqu'à ma deuxième venue. Quant à vous, devenez nombreuses, multipliez-vous, et remplissez la plaine de votre descendance, afin que vous deveniez témoins pour moi contre cette méchante génération. 8. Jésus entra dans la maison de l'homme qui pleurait au sujet de son frère. Il se nommait Bagliman. Lorsque Jésus vit son frère mort, il lui dit « Israélite, lève-toi de ta mort ». Il se leva aussi rapidement que quelqu'un se réveille de son sommeil, et se tint debout sur ses pieds, honora Jésus, et lui dit « Tu es le Messie, le Fils du Seigneur vivant unique ». Quant à lui, il le suivit, et ne se sépara pas de lui. 9. Les Juifs et les Samaritains qui ont vu ces trois miracles que Jésus avait faits en un jour augmentèrent leur étonnement et dirent entre eux « Celui-ci est-il le Messie, le Fils du Seigneur que les peuples attendent ?» En effet, il est le maître du monde et les peuples l'écoutent. Notre père Jacob, Daniel et Ésaïe ont prophétisé en le disant éternel. Son royaume sera sans fin, il n'a pas eu de commencement, car avant les temps il existait déjà. 10. Certains d'entre eux dirent « Si cet homme est un sorcier, et fait ceci par sa sorcellerie, la sorcellerie sera supprimée, comme la sorcellerie d'Yann, et Yambrès a été détruite, et n'a pas été forte devant le prophète Moshe. » D'autres d'entre eux dirent « Ne contestons pas sur ceci. Celui-ci est le Fils du Seigneur vivant au sujet de qui les prophètes ont prophétisé. Si celui-ci n'était pas le Fils du Seigneur vivant, il ne pourrait ressusciter les morts, et les animaux n'obéiraient pas à sa parole en parlant la langue des fils de l'homme, ni n'écouteraient ses paroles. » Il n'a jamais été entendu auparavant que des animaux aient parlé la langue humaine, hormis l'âne de Balaam, qui sortit maudire les fils d'Israël. Son ânesse lui a adressé des paroles semblables. Ces hommes discutaient au sujet du Messie. 11. Certains d'entre eux montèrent à Yerushalayim raconter aux scribes, sacrificateurs, et pharisiens les miracles qu'ils avaient vus de notre Seigneur dans la maison de l'Israélite, qu'il avait ressuscité des morts. Eux aussi furent étonnés, cependant ils ne crurent pas en lui, et ordonnèrent aux gens. Quand vous l'aurez trouvé à Yerushalayim, rappelez-nous son histoire. 12. Lorsque Jésus entra dans Yerushalayim, et que les sacrificateurs apprirent que Jésus se trouvait dans le temple avec ses disciples, ils se réunirent ensemble, et vinrent vers lui, et dirent « Ô bon Rabbi, nous savons que tu as été envoyé de la part du Seigneur, car personne ne peut faire les miracles que tu fais toi-même. Déclare-nous à présent, par la permission de qui tu agis, et qui est ton père, qui est ta mère, et de quelle souche de prophète tu es? Car si tu es de souche prophétique, il t'appartient de faire des miracles. Les prodiges que vous me voyez faire, leur dit Jésus, j'agis par la puissance de mon Père qui est dans les cieux. » 13. Lorsque les Juifs eurent entendu sa parole, ils prirent des pierres pour le lapider. Quel est l'ouvrage ou prodige que j'ai fait pour lequel vous me lapiderez? Leur dit Jésus. Ô compagnie des Juifs, sachez que je suis l'espoir des peuples. À présent j'enverrai mes apôtres vers les peuples étrangers pour qu'ils les appellent à ma foi. Quant à ceux qui recevront mes paroles, et me glorifieront avec mon Père, et avec l'Esprit Saint pour les siècles des siècles, ils deviendront pour moi un peuple à votre place, leur dit-il. Gloire au Seigneur. Miracle 21 à 25 Symbole plus Patrologia Orientale et tome 17, p. 785. 21e miracle. 1. Tandis que Jésus traversait la ville de David, c'est-à-dire le territoire de Yerushalayim, avec lui Simon, et André, Jacob, et Johan, il vit là un vieillard qui pleurait, disant « Ô Seigneur, donne-moi de quoi payer ma dette. » « Que t'est-il arrivé, et quelle est ta dette ?» dit Jésus. « Que me servira-t-il de te dire ?» répondit l'homme. « Ne me cache pas ton affaire Zachée, car c'est moi qui enrichis. Celui qui me cherche ne sera jamais pauvre, je suis existant pour l'éternité. » 2. Lorsque le vieillard eut entendu s'appeler par son nom sans le connaître, il se hâta de l'honorer, et lui dit « Mon Seigneur, sois-moi propice, et délivre-moi de ma dette. J'ai des oliviers dans mon jardin, et cette année ils sont tous secs. J'ai contracté sur moi d'acquitter la dette quand mes oliviers porteront fruit. Combien d'arbres sont secs parmi tes oliviers ? Lui dit Jésus. J'ai 140 arbres dans un champ. Tous sont secs. 3. Apporte-moi une branche de tes oliviers. Zachée apporta une branche de ces arbres qui étaient secs. Jésus la prit, et la bénit, et il lui dit. Ô vieillard, va planter cette branche au milieu de ton champ, car d'elle surviendra ta richesse. Sache que cette branche deviendra un olivier à trois rameaux, qu'elle ne sera jamais sèche, et qu'elle deviendra l'orgueil de tous les peuples. Ils la chercheront des extrémités de la terre, et seront bénis par elle. Elle deviendra pour eux un sujet de joie et d'allégresse. Quiconque prendra une brindille de cette branche ou de ses feuilles, et la mettra dans sa maison, ma bénédiction sera envers les gens de cette maison qui ne craindront pas les démons, et si quelqu'un ose entrer où se trouve cette branche dans la maison, la peur et le tremblement le saisiront pour qu'il sorte de cette maison. 4. Le vieillard nommé Zachée prit cette branche de la main de Jésus et la planta au milieu de son champ. Immédiatement elle bourgeonna et produit des feuilles. 5. Quand le vieillard vit ceci, il fut extrêmement étonné. Il alla vers Jésus, se prosterna devant lui, et dit « Tu es le Messie, le Fils du Seigneur Sauveur du monde. » Il alla vers les gens de sa maison, et leur raconta l'œuvre du Seigneur Jésus qu'il avait vu faire des miracles. Tous les gens de sa maison, et du peuple des Juifs crurent ce jour-là. 6. Puis Achée alla vers la branche d'olivier qui avait poussé, et avait fructifié. Il fit porter 40 charges d'hommes ce jour-là. De plus en 27 jours il remplit 13 pressoirs. On mangea des fruits qui restaient. Les fruits de cette branche fut cause de la richesse de Zachée. 7. Après que Zachée eut recueilli l'huile, et les olives qui provenaient de cette branche, il vint vers Jésus, et lui dit, « Je rends grâce au Seigneur, et à mon Dieu pour tout ce que tu m'as donné. Je te rends grâce pour tous les bienfaits que tu as accomplis pour moi. » Il lui raconta toutes les bénédictions qu'il avait trouvées par cette branche d'olivier, et dit en plus. « Je supplie mon Seigneur, et Dieu de me donner chaque année comme tu m'as donné maintenant. Sache que cette branche te donnera chaque année comme elle t'a donné cette année-ci. » 22e miracle. 1. Un jour Jésus alla de Jérusalem à Bethléem, car il voulait visiter le tombeau des enfants que Hérode avait tués. En chemin il vit plusieurs princes des sacrificateurs et des scribes. « Où allez-vous enfants d'Israël ?» leur dit-il. « Nous voulons aller à Bethléem, » lui répondirent-ils. « Ne voulez-vous pas aller au tombeau de Rachel ?» leur dit Jésus. Alors il alla par le chemin, et eux aussi allèrent jusqu'à parvenir au tombeau de Rachel avec eux. 2. Si moi-même j'appelle maintenant Rachel, mère de Joseph, et de Benjamin, et si elle-même sort du tombeau, et ressuscite des morts, croirez-vous en moi ? Leur dit-il. Maintenant nous savons que tu radotes. De grâce, fais ce que tu dis pour que nous voyions. Si tu fais, nous saurons que tu as été envoyé de la part du Seigneur, et nous croirons que tu es le Messie, et le Sauveur d'Israël. 3. Aux méchantes races de vipères. Qui vous apprendra à échapper à la colère qui vient ? Maintenant écoutez-moi, et faites l'œuvre qui convient pour produire en vous un fruit de pénitence. Si vous faites cela, vous aurez droit de chercher un signe. Sachez que vos prophètes, et tous les peuples deviendront témoins de votre égarement. Moi-même je ressusciterai du tombeau avec Rachel, Rebecca, et Sarah femme d'Abraham, leur dit Jésus. 4. Jésus s'éloigna d'eux à l'écart, et dit à voix haute. À vous je vous dis, Sarah, Rebecca, et Rachel ressuscitée des morts, sortez du tombeau, et venez ici vers moi. Il y eut aussitôt un grand tremblement de terre, un bruit intense fut entendu. Le rocher dans lequel se trouvait ses pures se fendit.